Ah oui, non, mais c'est tout, hein, c'est tout y fait. La table en cèdre massif, fond écoté en palissandre, manche à cajou. Touché Ben. Non, c'est un palissandre de Rio, ça. Et les frettes, aucune qui accroche, c'est... Ouais, ouais, non, mais ça arrive, c'est pas la première fois que ça arrive. J'ai vu déjà l'article sur... un autre article identique sur Audiofanzine. Elles sont pas vérifiées du tout. Ça sort d'usine, les frettes sont accroches, c'est dégueulasse. On dirait qu'ils vendent leur marque et puis c'est fini. À mon avis, c'est fini. D'ici quelques années, ils vont se faire bouffer complètement, que ce soit Fender ou Gibson. T'en as qui arrivent là, putain, ils font bobo les mecs, ils font du bon travail. Ah oui, c'est sûr. Je t'entends à peine, Cry. Ah oui, non, je suis vraiment content. Hein. Puis alors, putain, ça fait quoi une heure que je l'ai. Une facilité de jeu, alors que quand tu changes de guitare, en général, tu es un peu obligé de regarder le manche. Là, je regarde pas, c'est... ça part tout seul. Faut que je me familiarise, par contre, avec l'ampli et l'équaliseur. Ah ben là, elle sortait par le micro, hein. Parce que l'équaliseur était coupé. Baby quinking so the sins is closed. for a blue moon and a red nose. The ball went bound them up until sundown. We wash away the deed, just a glass and tea and go home. Pretty soon we're moving out of town. The way rolling on.